2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Jason 6 que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, là dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage, toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'une boy quand je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, si je suis sur la piste, au platine, c'est DJ, DJ. Sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichas. Avec qui c'est pas déjà. Qui a le nom?